Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Précieux auditeurs, vous êtes bien sur la radio Jésus est Seigneur et j'aimerais bien que vous puissiez comprendre l'anglais pour que vous vous réjouissiez vous aussi et célébriez ce miracle merveilleux de ce petit Michel. Sa grand-mère pensait que le prophète viendrait lui imposer les mains et voilà, elle est surprise qu'il n'était même pas présent quand ce petit-fils, au moment où l'homme de Dieu a prié à la radio, s'est mis à marcher. À l'âge de 7 ans, il ne marchait pas et maintenant le Seigneur l'a délivré. Combien c'est beau, combien c'est grand. Et il y a aussi d'autres qui n'ont pas entendu les bénédictions que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, les bénédictions qui ont été dites sur cette radio le dimanche matin. Pour nous, peut-être que vous savez déjà quand un nouveau service de guérison, encore plus béni, aura lieu avant ou après le 25 août, qui est le jour de l'explosion de la parole, un jour où toutes les nations de la terre peuvent participer par Internet, mais aussi ils sont invités à venir s'ils le désirent, ici à Nairobi, pour entendre ce pain béni de la parole, pour en jouir. ayons un moment d'adoration avant d'entendre un extrait, un autre extrait du message du 30 juin sur le rôle du Saint-Esprit. Adorons le Seigneur. À jamais il sera. Voilà le chant d'adoration. À jamais il sera. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Adorons-le, mais aussi ouvrons nos cœurs pour écouter ce message du Seigneur, ce message si précieux sur le rôle du Saint-Esprit. Écoutons ce message du Seigneur sur le rôle du Saint-Esprit. Un message sur le rôle du Saint-Esprit qui nous vient directement d'en haut. Un message que le Dieu Tout-Puissant a donné à son fidèle serviteur, le prophète le plus puissant, Dr. Howard. L'évangile de Luc, verset 25 on. I'm reading NIV here. Verset 25 et suivant. It says, now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. Il dit, maintenant, il y avait un homme à Jérusalem qui était droit et pieux. He went into the temple court. You know, this is different from Anna. Anna was there. Il est allé dans la cour du temple. Vous savez, ceci est différent d'Anna. Anna était là. Anna, the prophetess, was there all the time in the temple. Anna, la prophétesse, était là tout le temps dans le temple. Travailing and wailing and crying out there unto the Lord for the deliverance of Israel. Travaillant et gémissant et criant là-dehors au Seigneur pour la délivrance d'Israël. by the Holy Spirit. Mais pour Siméon, toutes choses ont été mises en place par le Saint-Esprit, dirigées par le Saint-Esprit. He went into the temple courts, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required. Il est allé dans la cour du temple, et lorsque les parents lui ont amené l'enfant Jésus pour faire ce que les coutumes de la loi exigent. Verse 28. Simeon took him in his arms and praised God. He praised Yahweh. He praised Jehovah. Verset 28. Simeon le prit dans ses bras et il loue Dieu. Il loue Yahvé. Il loue Jéhovah. Then he said, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. Meaning, I am now ready to go and die. Ensuite, il dit, Seigneur souverain, comme tu l'as promis, tu laisseras maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Ça veut dire, je suis maintenant prêt à m'en aller et à mourir. You can now take me away because your promise has now been fulfilled here. Tu peux maintenant me reprendre parce que ta promesse a maintenant été accomplie. The fulfillment of your prophecy is happening right now. L'accomplissement de ta prophétie a lieu juste maintenant. Why? Because it says he has beheld. Look at that now. Pourquoi? Parce qu'il dit, il a vu. Regardez ça maintenant. For my eyes have beheld. My eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all the nations. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé aux yeux de toutes les nations. So you see, Simeon, in that prophecy, the Lord is addressing all the nations. Donc, vous voyez, Siméon, dans cette prophétie, le Seigneur s'adresse à toutes les nations. All the peoples of the earth. So this redemption was not only coming to Israel, but all the nations. À tous les gens de la terre. Donc, cette rédemption ne vient pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. And the Holy Spirit, by design, has set this up. Et le Saint-Esprit, intentionnellement, a mis ceci en place. And he says, My eyes have beheld your salvation, which you have prepared in the sight of all the nations. Et il dit, Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la vue de toutes les nations. The light of revelation to the Gentiles. Why revelation to the Gentiles? La lumière de la révélation pour les gentils. Pourquoi une révélation pour les gentils? He's saying the salvation of all the nations, both Hebrew nations and the Gentiles. But look at what he says here. Il dit le salut de toutes les nations, la nation hébraïque et les gentils. Mais voyez ce qu'il dit ici. He says revelation, a light of revelation to the Gentiles. Why? Il dit révélation, une lumière de révélation pour les gentils. Pourquoi? Because the salvation, the redemptive plan of God had not been revealed to the Gentiles. Parce que le salut, le plan rédempteur de Dieu n'avait pas été révélé aux gentils. God had not revealed himself to the Gentiles. Dieu ne s'était pas révélé lui-même aux gentils. And so this was amazing at this time now. Et donc, c'était étonnant en ce temps maintenant. Because now to the Gentiles, it would have to be a revelation of some concealed truth of God. Parce que maintenant, pour les gentils, il devra y avoir une révélation d'une vérité cachée de Dieu. Now to be revealed, that's why it's saying a revelation. And all this is by design, by the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit. Maintenant, qui doit être révélé. C'est pourquoi il dit une révélation. Et tout ça, intentionnellement, par le Saint-Esprit, par le rôle du Saint-Esprit. He says, a light for revelation of the Gentiles. So this is very powerful. Il dit une lumière pour une révélation aux gentils. Aussi, c'est très puissant. It is still sitting on the very foundation at the center of the role of the Holy Spirit. C'est encore assis sur la fondation au centre du rôle du Saint-Esprit. In revealing Christ to the church. Qui révèle Christ à l'Église. The role of the Holy Spirit in revealing the Lord, revealing God to the nations. So this is very powerful, blessed people. Le rôle du Saint-Esprit qui révèle le Seigneur, qui révèle Dieu aux nations. aussi ces très puissants, précieux peuples. While talking about the role of the Holy Spirit, I've decided to retract, to do a derivative here, to bring you back. Pourquoi est-ce que je parle du rôle du Saint-Esprit? J'ai décidé de rétracter, de faire un dérivatif ici, de vous ramener. Right from the beginning that you may see the central role of the Holy Spirit, right from the beginning. Juste dès le commencement, pour que vous puissiez voir le rôle central du Saint-Esprit, juste dès le commencement. And he goes on to say, which you have prepared, for my eyes have beheld your salvation which you prepared in the sight of all the nations. Verse 32. Et il va plus loin pour dire, tu as préparé, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la vue de toutes les nations. Verset 32. A light for revelation to the Gentiles, like I said. Une lumière pour la révélation aux gentils, comme je peux le dire. Because they had not known the redemptive plan of God. Now it was being revealed as a hidden truth, a concealed truth of God that had now arrived. Parce qu'ils ne connaissaient pas le plan rédempteur de Dieu. Maintenant, il a été révélé comme une vérité cachée de Dieu qui est maintenant arrivée. And the glory of your people Israel. Now for Israel, they had already known Jehovah. They are God's covenant people. Et la gloire de ton peuple Israël. Maintenant, pour Israël, ils ont déjà connu Jéhovah, leur Dieu du peuple de l'Alliance. So that's why the coming of the Messiah and then now, that's now the glory of Israel because he comes as a Jewish Messiah. Donc, c'est pourquoi la venue du Messie et ensuite maintenant, c'est maintenant la gloire d'Israël parce qu'il vient comme le Messie juif. You now add on to their relationship with God. And that's why if you ever get time to read the book of Romans 11. Maintenant, il ajoute à leur relation avec Dieu. C'est pourquoi, si jamais vous avez le temps de lire Romains 11, where it talks about the redemptive plan for the national revival of Israel, où il parle du plan rédempteur pour le réveil national d'Israël. Even here, you see the Holy Spirit is talking about the national revival of Israel, the consolation of the nation of Israel. Même ici, vous voyez, le Saint-Esprit parle du réveil national d'Israël, la consolation de la nation d'Israël. Mais si vous avez jamais une chance de lire l'Épître aux Romains 11, then you see, he's still addressing, vous voyez qu'il s'adresse encore the fact that, le fait que to Israel, he will now approach them remembering the covenant with the patriarch. Pour Israël, il les approchera maintenant, se souvenant de l'alliance avec le Péchia. We're not really going there now, but it's so important. He said, the child's father and mother moved, marveled. Nous n'y allons pas vraiment maintenant, mais c'est si important. Il dit, les pères et mères de l'enfant s'étonnaient at what was said about him. De ce qui était dit à propos de lui. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother. Ensuite, Siméon les a bénis et il a dit à Marie, sa mère, this child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel. Cet enfant est destiné à causer la chute et la montée de plusieurs en Israël. And to be a sign that will be spoken against. Et à être un signe contre lequel on se prononcera. Meaning, for those who receive Christ, you will also be spoken about and spoken against. Ce qui veut dire que ceux qui reçoivent Christ, on va aussi parler de vous et parler contre vous. So sometimes you wonder why people should be so perplexed when you're preaching righteousness and the world speaks against you. Aussi, quelquefois, vous vous demandez pourquoi les gens devraient être si perplexes quand vous leur parlez de droiture et le monde parle contre vous. If you really walk in the footprints of the Messiah, you expect to draw a lot of barrage. Si vraiment vous marchez dans les pas de Jésus, vous vous attendez à attirer beaucoup de barrages from the world, de la part du monde. A lot of this speaking against you, un tas de choses dites contre vous. Because you're following the Messiah, because it's written here about the Messiah. Parce que vous suivez le Messie, parce que c'est écrit ici à propos du Messie. A sign that will be spoken again. Un signe contre qui on parlera. But remember that you will always prevail. Because of the Holy Spirit, as we're going to see very shortly. Mais souvenez-vous, vous triompherez toujours à cause du Saint-Esprit, comme nous allons le voir très rapidement. You'll always overcome. So it does not matter how much is spoken against you. Vous serez toujours vainqueur, Ainsi, ça n'a pas d'importance combien il parle contre vous. Then he says, so that the thoughts of many hearts will be revealed. Ensuite, il dit, ainsi les pensées de plusieurs cœurs seront révélées. You see that now, which means he's going to bring a discernment. Vous voyez ça maintenant? Ça veut dire qu'il va amener un discernement. He's going to bring a unique discernment into the church. Il va amener un discernement unique à l'Église. Deep, even as far as cutting down into the marrow. Profond, même jusqu'à couper dans la moelle. Knowing the hearts of men, the thoughts of men will be revealed, and as a sword will pierce your own soul too. Sachant que le cœur des hommes, les pensées des hommes seront révélées et comme une épée perceront ta propre âme aussi. So right from the beginning, blessed people, you see very clearly that the Holy Spirit already took the center stage. Donc, juste dès le commencement, peuple béni, vous voyez très clairement que le Saint-Esprit a déjà pris le centre de la scène. In bringing the Messiah and revealing the Lord. En amenant le Messie et en révélant le Seigneur. Revealing the Messiah to mankind, to the universe, to humanity. En révélant le Seigneur au genre humain, à l'univers, à l'humanité. This still within the same path, the same underscoring of the role of the Holy Spirit in the church. Toujours sur le même chemin, la même mise en évidence du rôle du Saint-Esprit dans l'Église. And the same look, if you go to now chapter 4. Et le même aspect, si vous allez maintenant au chapitre 4. Still exploring the role of the Holy Spirit in the church. Encore en train d'explorer le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. The same book of Luke. Maybe you can start from verse 16. Le même évangile de Luc. Peut-être vous pouvez chercher au verset 16. Because it says, Jesus rejected by Nazareth. It says, parce qu'il dit, Jésus rejeté par Nazareth. Il dit, he went to Nazareth, where he had been brought up. And on the Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom. Meaning he was used to doing so. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, comme c'était sa coutume. Ce qui veut dire qu'il avait l'habitude de le faire. He stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. Il se leva pour faire la lecture. Et le rouleau du prophète Isaïe lui a été présenté. En le déroulant, il trouva le passage où il est écrit. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Remember the poor, the prisoners. These are the afflicted. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers. Souvenez-vous, les pauvres, les prisonniers, ceux-ci sont les affligés. These are the bruised by this life. Ce sont les meurtris par cette vie. And recover your sight for the blind. Et pour redonner la vue aux aveugles, the bruised, those who have been bruised by this life. Les meurtris, ceux qui ont été meurtris par cette vie. And to set the oppressed free. And to proclaim the year of the Lord's favor. Very powerful, blessed people. Et pour apporter la délivrance aux opprimés. Et pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Again, still underscoring the significance, the centrality and the priority of the Holy Spirit in the Christian salvation, in the life of the church. À nouveau, encore en train de souligner la signification, la centralité et la priorité du Saint-Esprit dans le salut chrétien, dans la vie de l'Église. And you see that He sits right at the center, even the bringing of the Messiah. Et vous voyez qu'il est placé juste au centre, même la venue du Messie. And the rolling out of the ministry of the Messiah. Et le dévoilement du ministère du Messie, de Jésus. The Holy Spirit was at the very center. Le Saint-Esprit était tout à fait au centre. And you see from the book of Isaiah, as we proceed on, stepwise. Et vous voyez du livre d'Ésaïe, comme nous procédons, pas à pas. Isaiah chapter 42, verses 1 to 4. Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Before he comes, Isaiah gives the prophecy, and in that prophecy of the coming of the Messiah. Avant qu'il vienne, Ésaïe donne la prophétie, et dans cette prophétie, sur la venue du Messie, which we are really exploring now, qui a été vraiment exploré maintenant, you see the central role by design that the Holy Spirit performs. Vous voyez le rôle central, intentionnellement, que le Saint-Esprit réalise. Isaiah 42, verses 1 to 4. Ésaïe 42, versets 1 à 4. Now Isaiah has seen the coming of the Messiah many, many, many years before the Messiah comes. Maintenant, Ésaïe a vu la venue du Messie de nombreuses années avant que le Messie ne vienne. Like I have seen the coming of the Messiah to take the church many, many years before he came. Comme j'ai vu la venue du Messie pour prendre l'Église de nombreuses années avant que le Messie vienne. He's going to come. He's going to come and take the church one day. Il va venir. Il va venir et prendre l'Église un jour. But you can imagine I've been trumpeting the coming of the Messiah for many years now, 15 years in a row now. Mais vous pouvez imaginer, j'ai trompeté la venue du Messie pendant plusieurs années maintenant, 15 ans à la file maintenant. Non-stop, almost on a daily basis, relentless conversation. Sans arrêt, presque sur une base journalière, une conversation obstinée. So in like manner, Isaiah had seen an event. He has seen the coming of the Messiah when he comes to redeem fallen man from sin. Aussi, de la même manière, Ésaïe a vu un événement. Il a vu la venue du Messie quand il vient racheter l'homme déchu du péché. And then in this way still, you see the centrality of the Holy Spirit. Et alors, de cette manière aussi, vous voyez la centralité du Saint-Esprit. Even the one I have seen, the coming of the Messiah. Même celui que j'ai vu, la venue du Messie, that God the Father has privileged these two prophets to see, que Dieu le Père a privilégié ces deux prophètes de voir, and announce on a daily basis, et d'annoncer sur une base journalière. You now see the centrality of the Holy Spirit. That's why we are having this conversation tonight. Maintenant, vous voyez la centralité du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons cette conversation ce soir. Isaiah sees the Messiah coming. Ésaïe voit le Messie venir. Way before that time arrives, that the Messiah would come and deliver the church. Bien avant que ce moment arrive, le Messie viendrait et délivrerait l'Église. Deliver fallen man. Deliver humanity. Délivrerait l'homme déchu. Délivrerait l'humanité. Isaiah sees that. And Isaiah inscribes it in the book of Isaiah. Chapter 42, we're reading, for example, 1 to 4, he says. Ésaïe a vu cela, et Ésaïe l'inscrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42. Nous lisons, par exemple, 1 à 4, il dit. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nation. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui je me régale. Je mettrai mon esprit sur lui. Look at that. Meaning, even as the Holy Spirit will bring the Messiah right from the beginning. Voyez ça. Ce qui veut dire, même si le Saint-Esprit amène le Messie dès le commencement, by prophecy, how he would come. Par prophétie, comment il viendrait? You would see the centrality of the Holy Spirit in the life and ministry of the Christ. Vous verrez la centralité du Saint-Esprit dans la vie et le ministère de Christ. Of the Messiah, of the Lord Jesus. Du Messie, du Seigneur Jésus. So what is this happening today that the present day modern church is attempting to live her Christian life without the Holy Spirit? You see this now. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui où l'Église moderne du jour présent essaye de vivre sa vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Vous voyez ça maintenant. My chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations. Mon élu, celui qui fait ma joie, je mettrai mon esprit en lui et il amènera la justice aux nations. He will not shout or cry out. Il ne hurlera pas ou ne criera pas. So it's very important, look at that now. He will bring justice, meaning he comes with righteousness. Aussi, c'est très important. Voyez ça maintenant. Il amènera la justice, ce qui veut dire il vient avec droiture. So he says, I'll put my spirit in him. Donc il dit, je mettrai mon esprit en lui. And that spirit I put in him will enable him to bring righteousness to the nations. Et cet esprit que je mettrai en lui le rendra capable d'amener la justice aux nations. That very thing that is lacking unto the nations, lacking in the nations. Cette chose qui manque aux nations, qui manque dans les nations. In the life of man, I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations. Dans la vie des hommes, je mettrai mon esprit en lui et il amènera la justice aux nations. He will not shout or cry out or raise his voice in the streets. Il ne hurlera pas ou criera ou élèvera sa voix dans les rues. A bruised reed he will not break. I've just read for you. We just read a few moments ago. Un roseau meurtri, il ne le brisera pas. Je viens de lire pour vous. Nous venons de lire quelques moments auparavant. The book of Luke chapter 4 verse 18 to 19. Where it says, he will come and bind up those who are bruised, those who are injured. But look at the prophecy. L'évangile de Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Tu viens et penses ceux qui sont meurtris, ceux qui sont blessés. Mais voyez la prophétie. Il dit que lorsque le Saint-Esprit vient sur lui comme une colombe, et il dit, la colombe, c'est le symbole de la paix. Gentility, humility, humble. La gentillesse, l'humilité, humble. Of course I know the other role of the Holy Spirit that we don't need to discuss here when he brings judgment. Bien sûr, je connais les autres rôles du Saint-Esprit que nous n'avons pas besoin de débattre ici où il amène le jugement. But I'm saying as of now within the church and this mission. Mais je parle de maintenant dans l'église, dans cette mission. He says the symbol of peace, the symbol of humility. Il dit le symbole de la paix, le symbole de l'humilité. Therefore, when he comes on the Messiah would be able to judge, to handle the nations with righteousness. Par conséquent, quand il s'agit du Messie, le Messie sera capable de juger, de traiter la nation avec justice. And with humility, and when he meets the bruised one, the injured one, the blind, the deaf, the mute. Et avec humilité, et quand il rencontre les meurtris, les blessés, les aveugles, les sourds, les muets. Those who are broken-hearted, those oppressed. It says here, again, ceux qui ont le cœur brisé, les opprimés. I will put my spirit on him and the spirit will enable him to do this. Je mettrai mon esprit en lui et le Saint-Esprit l'habilitera à faire cela. To bring justice to the nations, he will not shout or cry out or raise his voice in the street. Apporter la justice à la nation, il ne hurlera pas ou poussera des cris ou élever sa voix dans les rues. A bruised reed, when he meets somebody who has been injured by this life, he will not break. Look at that now. Un roseau meurtri, quand il rencontre quelqu'un qui a été blessé par cette vie, il ne le brisera pas. Voyez ça maintenant. He rules them with a gentle heart of a shepherd. Il les gouvernera avec le cœur gentil d'un berger. A smoldering wick, which is about to go off, he will not snap off. He will not snap it out. He will flame it instead. Une petite mèche fumante qui est sur le point de s'éteindre, il ne l'éteindra pas. Il la fera brûler, c'est dit. But that is the same thing happening in the church now. Mais c'est la même chose qui arrive dans l'église maintenant. Because before he sent these two mighty prophets, the mightiest prophets of the Lord, the wick of the church was smoldering now. Parce qu'avant qu'il envoie ces deux puissants prophètes, les prophètes les plus puissants du Seigneur. La mèche de l'Église était fumante maintenant. Et déjà, l'heure de minuit est sur le point de sonner. Et vous pouvez voir comment il commence à lui souffler dessus. Il ne l'éteint pas. The smoldering wicks of the church. La mèche fumante de l'Église. Il a dit qu'il a soufflé dessus et maintenant il y a une flamme. Maintenant la nuée visite ces deux prophètes. La gloire est grande. The tremendous radiance is their transfiguration. The glory of the Father is their cripples are walking. Blind can see. Le rayonnement extraordinaire, la transfiguration, la gloire du Père. Les infirmes marchent. Les aveugles peuvent voir. The deaf can hear. The lame are walking. The gasp of righteousness, the tumors are dissolving. Les sourds peuvent entendre. Les boiteux marchent. L'évangile de la justice est prêché. Les tumeurs se dissolvent. So he came now in the same language here. Aussi, il est venu maintenant dans le même langage ici, la même conversation. Et il dit, un roseau meurtri, un opprimé de cette vie, il ne le brisera pas, ce qui veut dire, il régnera, il gouvernera avec un cœur doux. You come and deliver. A smoldering wick, he will not snap out. Il viendra et délivrera une mèche fumante, il ne l'éteindra pas. That's why he has fanned now the smoldering wick of the lamps of the church. C'est pourquoi il a ranimé maintenant la mèche fumante de la lampe de l'Église. And now we see there's a big revival that is consuming from Kenya and going globally. Et maintenant vous voyez qu'il y a un grand réveil qui brûle depuis le Kenya et qui va par tout le monde. In faithfulness, he will bring forth justice. He will not falter to be discouraged. Dans la fidélité, il rendra la justice. Il ne faiblira pas, ni ne sera découragé. Look at what the Holy Spirit does to him. Voyez ce que le Saint-Esprit lui fait. In faithfulness, he will bring forth justice. Look at that now. He will not falter or be discouraged. Look at the role of the Holy Spirit right there. Dans la fidélité, il rendra la justice. Voyez ça maintenant. Il ne faiblira pas, ni sera découragé. Voyez le rôle du Saint-Esprit juste là. By prophecy, Isaiah is seeing that the Messiah comes for this mission. Par prophétie, Esaïe voit que le Messie vient pour cette mission. But the Holy Spirit will sit at the center of this mission. Mais le Saint-Esprit siégera au centre de cette mission. To enable him. Pour l'habilité. So he will not falter or be discouraged. Donc, il ne faiblira pas ni sera découragé. He establishes justice on the earth. Jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur terre. In his teaching, the islands will put their hope. Dans son enseignement, les îles mettront leur espoir. So he's coming as the hope for the nations. Donc, il en vient à l'espoir pour les nations. You know that when you look at the earth, from above, the way I look at the earth, when the Lord lifts me above the earth. Vous savez, quand vous regardez la terre, d'en haut, de la manière dont je regarde la terre, quand le Seigneur m'élève au-dessus de la terre. It's basically islands, because you see every single piece of continent and land surrounded by water and ocean. C'est fondamentalement des îles, parce que vous voyez, chaque morceau de continent est terre et entouré d'eau. This is what he means here. It says in his teaching, the islands will put hope. C'est ce qu'il veut dire ici. Il dit dans son enseignement, les îles mettront espoir. And you can go on and on, but this is very powerful. Et vous pouvez aller encore et encore, mais ceci est très puissant. Because in our expedition tonight, to explore the role of the Holy Spirit in the church. Parce que dans notre expédition ce soir, pour explorer le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, you see by derivatives that right from the beginning the Holy Spirit was set out by design. Vous voyez, par dérivé, juste dès le commencement, le Saint-Esprit démarrait intentionnellement. He set himself up by design to play a central role in bringing the Messiah. Il s'est installé lui-même intentionnellement pour jouer un rôle central en amenant le Messie. And also navigate him and empower him and enable him. Et aussi en le naviguant et en lui donnant du pouvoir et en l'habilitant to be able to be successful in the mission, even unto the cross and resurrection. Pour être capable de réussir dans la mission, même à la croix et la résurrection. And he's saying, you two that are born again and subscribe to the Christianity that he brought. Et il dit, vous aussi qui êtes nés de nouveau et souscrivez au christianisme qu'il a amené. How then can you dare as a generation to say that Luke or will be able to live our lives without the Holy Spirit? Comment alors pouvez-vous avoir l'audace comme génération de dire que, voyez, nous serons capables de vivre notre vie sans le Saint-Esprit? And so we are looking at the centrality and the significance of the Holy Spirit in your Christian life. Et donc nous regardons la centralité et la signification du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Even in your aspiration to enter heaven. Même dans votre aspiration à entrer aux cieux. Same thing you see in the book of Isaiah 61 when he says, "The Spirit of the Lord is upon me to proclaim the good news, and also to bind up the broken, those reeds that are bruised." La même chose que vous voyez dans le livre d'Ésaïe 61, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la bonne nouvelle et aussi pour panser les cœurs brisés, ces roseaux qui sont meurtris. » Ces mèches qui brûlaient sont maintenant fumantes à nouveau. Il dit « Venir et raviver leur vie à nouveau. » That their flames may be up. Qu'elles puissent s'enflammer, que leurs flammes soient hautes. Looking at the centrality of the Holy Spirit in your Christian salvation. Voyez la centralité du Saint-Esprit dans votre salut chrétien. May the Lord bless you to Daraba. Puisse le Seigneur vous bénir. Erev Tov Toda. Que le Seigneur soit béni, c'est un message si merveilleux sur le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit nous a amené le Seigneur Jésus. Il l'a soutenu lors de son sacrifice à la croix. De même, il veut nous habiliter et nous soutenir dans notre marche. Recevons-le et soumettons-nous à lui. Vous voyez comment Siméon a été conduit à aller au temple par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit lui a révélé tellement à propos de Jésus. Déjà qu'il était le Christ, Siméon l'a su par le Saint-Esprit. Son rôle est aussi de nous révéler Dieu, de nous révéler Christ. Le Saint-Esprit, par Ésaïe, a annoncé le Christ bien des années avant sa venue. Et non seulement Ésaïe, presque tous les prophètes parlent de la venue du Seigneur. Vous savez comment, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a dit à ses disciples combien il était parlé de lui dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament sans cesse annonce le Messie par le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez entendu comment le Saint-Esprit est tellement important et comment par le Saint-Esprit maintenant le Seigneur amène tellement de bénédictions à travers son puissant, son prophète le plus puissant du Seigneur qui vient et qui annonce. Non seulement annonce la venue du Seigneur qui vient bientôt, mais encore donne des prophéties sur ce qui va se passer. Et ces prophéties sont toujours accomplies. Et en plus, il annonce non seulement la venue du Seigneur, mais encore tellement de miracles, des milliers de personnes sont relevées de leur infirmité, des aveugles, des infirmes qui ne pouvaient pas marcher, même quelquefois qui étaient alités, qui sont maintenant sortis de leur misère. Ces gens, souvent très seuls, quelquefois ils n'ont pas l'argent même pour payer le voyage, pour aller à l'hôpital, et le Seigneur les délivre de leur infirmité. Combien c'est grand, ce ministère à travers son fidèle serviteur. Maintenant, nous allons avoir, si vous le voulez, vous pouvez appeler par téléphone et donner votre avis sur ce merveilleux message que vous avez entendu. C'est le moment pour vous d'appeler, si vous le voulez. C'est possible d'appeler ici cette radio pour que vous puissiez vous aussi dire aussi votre avis sur ce que vous venez d'entendre sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Comment le rôle du Saint-Esprit a accompagné le Seigneur Jésus. Comment déjà plusieurs années en avance, on a prédit que le Saint-Esprit serait sur le prophète. Et non seulement sur le prophète, mais sur le Messie. Et non seulement sur le Messie, mais encore sur chacun de nous. Voilà, un téléphone arrive. Que le Seigneur soit béni. Gilles d'Italie, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la parole, vous pouvez parler et la radio va émettre votre message. Je vous écoute. Yes, praise the Lord. Alors, nous vous entendons. Alors, c'est très bien si vous pouvez dire quelque chose sur ce que vous venez d'entendre. Gilles d'Italie, l'Italie du Nord, qui parle français. On vous écoute. Vous avez juste 4 minutes pour nous donner votre avis. Ce que vous avez entendu. Oui, amen. Je rends gloire au Seigneur, évidemment, pour ce message puissant que nous venons d'écouter. Ce message, effectivement, qui nous rappelle, nous, en tant que chrétiens, le rôle du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Et effectivement, le plus puissant prophète du Seigneur, on rappelle effectivement que le Saint-Esprit déjà a révélé à Siméon la venue du Messie, a révélé à Siméon également le rôle, la mission que devait avoir le Messie sur terre, effectivement. Et nous avons vu que même avant qu'arrive Siméon, nous avons vu effectivement que même à Esaïe, des siècles, des années avant, le Saint-Esprit déjà devait venir à annoncer effectivement que le Messie viendrait. Déjà, le Saint-Esprit serait présent au centre de la mission même du Messie, pouvoir préparer effectivement cette mission qui a pour but de pouvoir ramener effectivement le cœur des hommes, le cœur de l'individu que nous sommes effectivement, vers la droiture, vers la crainte de Dieu. Donc effectivement, nous voyons que le Saint-Esprit a amené le Seigneur Jésus-Christ, a conduit le Seigneur Jésus-Christ à porter un message véritablement avec paix, avec humilité, à servir véritablement, à venir aux besoins de ceux qui sont abattus. Nous voyons réellement comment encore aujourd'hui cet esprit est présent et nous fortifie. Nous avons vu effectivement comment aujourd'hui encore dans notre génération, cet esprit nous a amené ces deux redoutables prophètes de la fin des temps pour véritablement faire comprendre encore à l'Église non seulement les temps que nous sommes, et effectivement de faire voir encore sa mission qu'il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a fait d'accomplir également sur terre en ce moment au travail des plus puissants prophètes, par des guérisons, par des restaurations. J'étais particulièrement touché par la guérison du petit Michel de Kakamega qui était véritablement condamné à vie à marcher paralytique. Et regardez réellement comment le Saint-Esprit est venu encore en aide à ceux qui sont démunis, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui n'ont pas d'espoir, véritablement encore à confirmer la mission qu'il a de venir véritablement de restaurer un peuple souffrant. Et aujourd'hui l'Église véritablement a perdu ses repères. C'est merveilleux, c'est merveilleux de pouvoir recevoir si bien ce message. Mais maintenant, je suis obligée de vous arrêter parce que le temps passe malheureusement. Alors, on va mettre un moment d'adoration. Et ceux qui désirent recevoir le Seigneur, vous pouvez prier après le moment d'adoration. Mais merci infiniment, Gilles, d'avoir appelé. Et vous savez que chaque fois que ce message en français passe, vous avez tous ceux qui écoutent, vous avez la possibilité d'appeler pour dire aussi ce que ce message vous a apporté. Merci beaucoup, Gilles d'Italie. Merci infiniment d'avoir bien voulu appeler. Amen. Merci infiniment. Et amen. Merci, Pasteur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et précieux auditeurs, nous allons adorer le Seigneur et ensuite vous pourrez recevoir le Seigneur si vous le désirez. Il donne sa grâce. chante en son honneur. Oui, que toute la terre chante en l'honneur du Seigneur. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, eh bien vous pouvez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je voudrais te demander pardon pour tous mes péchés. Les péchés sexuels, les mensonges, et je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant, vous passez des ténèbres à la lumière. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, avec Jésus pour roi, pour l'éternité, à condition que vous marchiez dans l'obéissance, dans la droiture et la sanctification. Maintenant aussi, il faut que vous acceptiez ce baptême où vous êtes entièrement immergé dans l'eau, où vous laissez votre ancienne vie pour ressortir, ressuscité avec Christ, un homme nouveau, une femme nouvelle avec Christ. Je vous remercie d'être resté avec nous pour ce programme. Je m'appelle Pasteur Yvon Auguet. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. De mon cœur dans le cœur de tes doigts, je veux.